Septième chapitre, la belle des monts. Mère de nos ruisseaux, la Vilia limpide, sur une arène d'or roule des flots d'azur. Mais quand l'enfant en main, la Vierge au front candide, penche sur son cristal un corsage timide, sa figure est plus belle et son cœur est plus pur. Dans l'heureuse vallée aux ombres protectrices, sous le lys azuré, fils des tranquilles eaux, la Vilia s'écoule au milieu des narcisses, et les plus riches fleurs à ses ondes propices portent chaque printemps quelque tribut nouveau. La lituanienne, ornement de nos rives, voit la fleur de nos monts suivre ses pas légers, poursuivre avec ardeur ses traces fugitives. Le chasseur, amoureux de ses grâces naïves, oublier à ses pieds la gloire et les dangers. Pourtant, la Vilia, de lointain bord avide, dédaigne du vallon les paisibles douceurs. Elle cherche un amant, le gnémen rapide, la nymphe au flot d'azur à la course timide, du fleuve impétueux partage les ardeurs. Ainsi, dans le vallon, gloire de nos montagnes, la lituanienne est livrée aux langueurs. Triste, elle fuit les jeux de ses fraîches compagnes, et dédaignant l'amour de l'enfant des montagnes, c'est un bel étranger qui fait couler ses pleurs. Le fougueux gnémen d'une étreinte soudaine ravit la Vilia dans ses bras vigoureux. À travers les rochers et la sauvage plaine, adoré ravisseur palpitant, il l'entraîne, et dans le gouffre amer, ils périssent tous deux. Comme la Vilia, timide jeune fille, l'étranger te ravit au vallon paternel. Il t'entraîne au lointain, t'arrache à ta famille, et du bonheur pour toi, si l'astre un instant brille, bientôt il a fait place au regret éternel. Ainsi veut le destin. Une invincible pente dans un gouffre béant conduit le tendre cœur. Nul ne peut s'opposer à cette loi puissante. Le gnémen séduit la Vilia charmante et l'étranger ravit notre plus belle fleur. La Vierge au front rêveur aime, pleure et soupire. Triste, la Vilia murmure ses amours. L'une en les flots glacés de son amant expire. L'autre dans l'ombre expie un rapide délire, et toutes deux encore jurent d'aimer toujours.